Bonjour à tous et bienvenue dans ce 17e épisode d'ActuVu. Les dossiers se finalisent, les oraux arrivent et votre stress monte. Mais pas de panique, ActuVu c'est le bon plan pour réussir les concours. On est encore là et on sera là jusqu'au bout pour vous parler de l'actualité de la semaine. On revient sur le Sahara occidental, au cœur d'un conflit économique et migratoire. Un ex-rugbyman a été assassiné cette semaine, un groupuscule d'extrême droite se rallie au crime. On en reparle très vite avec Tanguy. Une nouvelle voix viendra évoquer la loi européenne sur les GAFAM, une loi qualifiée d'historique pour l'avenir de l'économie numérique. Et une autre nouvelle voix vous parlera du guide Michelin, et croyez-moi, après ça, il n'aura plus aucun secret pour vous. Et enfin, avec Marie, on ira faire un tour direction Cannes et Lannion pour parler dossiers et concours. Mais sans plus attendre, vous y êtes habitués, c'est le Affluoté avec Raphaël cette semaine. Plus d'un Français sur deux, 53%, estime que les théories scientifiques ne sont, je cite, que des hypothèses parmi d'autres. C'est le résultat du baromètre de l'esprit critique pour La Croix et France Info, publié mardi 22 mars. 3 milliards d'euros supplémentaires sur les livrets A des Français le mois dernier. Une épargne inédite pour un mois de février, a annoncé la Caisse des dépôts. Le relèvement des taux d'intérêt qui sont passés de 0,5% à 1% et la guerre en Ukraine peuvent expliquer ce rebond d'après les spécialistes. Ancien président de l'Assemblée nationale, ministre de la Transition écologique, François de Rugy a annoncé vendredi 25 mars qu'il quittait la vie politique nationale, épinglé par Mediapart en juin 2019 pour son supposé train de vie luxueux alors qu'il présidait l'Assemblée nationale. L'ancien élu Europe Écologie Les Verts et député LREM de Loire-Atlantique ne se représentera pas aux législatives en juin prochain. Gilbert Ungbo est le nouveau patron de l'Organisation internationale du travail. Ancien premier ministre du Togo, c'est le premier Africain à tenir ce poste à la tête de la plus ancienne agence spécialisée des Nations Unies. Depuis 2017, il dirige le Fonds international de développement agricole. 4 milliards d'euros, c'est la valeur des contrats d'armement signés entre la Grèce et les industriels de l'armement français jeudi 24 mars. Des frégates de défense et des rafales achetées dans le cadre de l'accord de défense ratifié en octobre entre la Grèce et la France. Couleur Mentalo et la dernière séance. Le pianiste et compositeur Pierre Papadiamandis avait collaboré pendant plus de 50 ans avec Eddie Mitchell. Il a aussi travaillé avec Ray Charles, Delpech ou encore Céline Dion. Il s'en est allé jeudi soir à l'âge de 85 ans. Everybody knows the rules. You are entitled to a beautiful new blue passport. We did it, Joe. God bless you all. C'est un véritable coup de tonnerre qui s'est déroulé vendredi du Maghreb aux institutions espagnoles et dont on sent encore les soubresauts cette semaine. Oui, Thomas, et la raison est, le gouvernement espagnol de Pedro Sanchez a reconnu l'autorité marocaine sur le Sahara occidental. Alors dit comme ça, ça ne vous parle sûrement pas, mais cette décision est un tournant historique dans la politique de la région et ses implications sont multiples, à la fois pour l'Espagne et pour l'Union européenne. C'est-à-dire ? Eh bien, la décision est historique car cela faisait 40 ans que l'Espagne maintenait un statu quo sur l'autorité de cette zone. Un peu d'histoire maintenant. En 1976, la péninsule ibérique décide de décoloniser le Sahara occidental, une bande désertique au sud du Maroc, bordée à l'ouest par l'océan Atlantique, à l'est par la Mauritanie. Au moment où l'Espagne se retire, un conflit éclate entre d'un côté le Maroc, qui considère ce désert comme une partie de son royaume, et le Front Polisario de l'autre, un mouvement indépendantiste du peuple sahraoui qui souhaite l'autodétermination. Des dizaines de morts et quelques cessez-le-feu plus tard, l'ancienne puissance coloniale ne s'était jamais prononcée en faveur ni du Maroc, ni du Front Polisario, suivant la position de neutralité adoptée par l'ONU sur le sujet. Mais alors qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi un tel changement de la part de l'Espagne et pourquoi maintenant ? La réponse est peut-être à trouver dans la presse espagnole de cette semaine. Madrid aurait cédé au, je cite, « chantage des flux migratoires organisés par le Maroc », une technique éprouvée récemment par le royaume de Mohamed VI, comme l'explique Sarah Perret, chercheuse en relations internationales à, entre autres, l'École nationale supérieure. Il y a quelques semaines déjà, le Maroc avait déjà un petit peu joué sur cette flexibilité des frontières sur son territoire en assouplissant l'entrée de certains exilés. Un enjeu de taille donc, surtout quand on sait que jusqu'en février, pas moins de 8 personnes sur 10 ayant rejoint illégalement l'Espagne venaient du Maroc ou de la région du Sahara occidental, d'après les chiffres de la police espagnole. Mais le problème est plus large, l'Union européenne délègue le contrôle de ses frontières en payant grassement des États, comme par exemple le Maroc, conséquence selon Sarah Perret. On leur donne un levier diplomatique qui est formidable pour justement agir sur d'autres pans diplomatique. Et là, c'est ce qui se passe clairement pour le Maroc, qui a vu une opportunité formidable. La guerre en Ukraine pose aussi des problèmes d'énergie en Europe. On parle souvent du gaz russe. Or, la décision de Pedro Sanchez pourrait fragiliser la sécurité énergétique de son pays. Et oui, Thomas, et pas que. C'est un peu le château de cartes de la géopolitique qui s'effondre ici. Le Front Polisario, que l'Espagne a choisi de lâcher, est soutenu par... l'Algérie, frère ennemi du Maroc, est là problème. Alger fournit énormément de gaz à Madrid. L'an dernier, pas moins de 43% du gaz consommé en Espagne était d'origine algérienne. Le régime d'Abdelmadjid Tebboune pourrait donc, en représailles, augmenter ses tarifs d'exportation, de quoi déstabiliser encore un peu plus la situation déjà pas solide de l'énergie dans l'Union Européenne. Et il n'y a pas que le Front Polisario qui se soit senti trahi cette semaine. En Afghanistan, le gouvernement des talibans n'a pas tenu sa promesse. Celle de la réouverture des écoles pour les jeunes filles afghanes au-delà du primaire. Mercredi, c'était normalement jour de rentrée pour ces adolescentes, sauf que finalement, non. À peine quelques heures après avoir passé les portes des établissements scolaires, les collégiennes se sont vues sommées de retourner chez elles, et ce, jusqu'à nouvel ordre. La raison ? La tenue vestimentaire des filles qui serait inappropriée. Une décision qui affaiblit la confiance dans les engagements des talibans, d'après Rina Amiri, envoyée des États-Unis pour les filles, les femmes et les droits humains en Afghanistan. Les États-Unis, qui ont d'ailleurs reconnu lundi que les Rohingyas, la minorité musulmane de Birmanie, ont été victimes d'un génocide de 2016 à 2017, un génocide donc perpétré par l'armée d'un pays dirigé à l'époque par Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, parle d'une série de preuves issues, je cite, « de sources indépendantes et impartiales qui montrent que l'armée visait une véritable destruction du peuple Rohingya. Actuellement, ils sont 850 000 à s'être réfugiés au Bangladesh voisin. » Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre. Mon ennemi, c'est la finance. Écoutez, petit bonhomme. Nous étions bien contents de pouvoir enlever le masque, profiter des lieux publics sans passe vaccinal, mais toute cette liberté risque d'être remise en cause par une reprise de l'épidémie, Tanguy. C'est en tout cas ce que laisse penser la hausse continue du nombre de cas positifs journaliers, Thomas. Sur la fin de la semaine, les chiffres tournaient autour de 150 000 nouveaux cas détectés. Il y a une semaine, c'était 100 000, et encore une semaine avant, c'était 70 000. Ces chiffres sont inquiétants à peine 2 semaines après la levée de la majorité des restrictions sanitaires du 14 mars. Mercredi dernier, le 23 mars, Emmanuel Macron a lui-même répondu à des questions sur cette hausse des chiffres. Il a affirmé que si la situation devait plus se dégrader, des décisions seraient prises pour protéger les Français, notamment un retour du port du masque dans les lieux accueillant du public. Avec cet éventuel retour des mesures de protection, certains se demandent s'il fallait vraiment tout lever le 14 mars. C'est en tout cas la question posée par plusieurs virologues et épidémiologistes qui remarquaient dès début mars que les courbes ne témoignaient pas d'un reflux de l'épidémie. L'OMS a d'ailleurs renforcé ses interrogations le mardi 22 mars en affirmant que les nations européennes comme la France, l'Allemagne ou l'Italie avaient baissé la garde bien trop rapidement face au virus. L'organisation internationale a notamment rappelé la présence d'un nouveau variant, le BA2, un dérivé du variant Omicron qui est en train de devenir majoritaire dans les contaminations. Pour le moment, la hausse ne se répercute pas sur les hospitalisations. Le nombre de personnes en réanimation est d'ailleurs légèrement en baisse. Il n'empêche que la situation ressemble à l'amorce d'une nouvelle vague épidémique. Cette semaine, la France a eu une piqûre de rappel sur la dangerosité de l'extrême droite. Ça s'est passé samedi soir à Paris, à l'issue d'une rixe. L'ex-rugbyman Federico Martin Aramburu est assassiné par balle dans la rue. 3 suspects sont rapidement identifiés, tous ont été depuis appréhendés. Leur profil ne laisse pas de doute, ils sont tous militants d'extrême droite et liés à des franges violentes. Loïc Le Priol, suspecté d'être l'auteur des tirs, est un ancien militaire de 27 ans, radié pour motifs médicaux et membre du groupement Union Défense, une organisation d'étudiants d'extrême droite. Il a été arrêté en Hongrie et doit être ramené en France par les autorités. Ses complices sont déjà en garde à vue. Et de nouvelles plaintes s'ajoutent à la collection d'Éric Zemmour. 6 associations de défense des droits des personnes homosexuelles ont déposé plainte contre le candidat à la présidentielle pour contestation de crimes contre l'humanité. Les groupes dénoncent là une citation tirée de l'ouvrage d'Éric Zemmour « La France n'a pas dit son dernier mot » dans lequel on peut lire « La déportation en France d'homosexuels en raison de leur orientation sexuelle est une légende. C'est la 2e fois que le polémiste est mis en cause pour contestation de crimes contre l'humanité après avoir affirmé que Pétain avait défendu les Juifs de France. » Le blé, fais gaffe. Un coup t'en as, un coup t'en as plus. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Oh, regardez vos nerfs. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. Les GAFAM pourraient ne bientôt plus faire leur loi en Europe. Les institutions européennes ont trouvé jeudi un compromis sur le règlement des marchés numériques. C'est bien ça Thomas, et c'est sûrement la régulation économique la plus importante de ces dernières décennies. Du moins, ce sont les mots de Cédric O, le secrétaire d'État français au numérique. Après des mois de négociations, les États membres de l'Union européenne, la Commission et le Parlement européen ont signé le nouveau règlement des marchés numériques. L'objectif est simple, mettre fin aux abus de certaines multinationales. Les GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft sont visés, mais également d'autres grandes entreprises du digital comme TikTok. Cette nouvelle législation devrait entrer en vigueur en janvier 2023. Et comment justifier ce changement ? Eh bien, après des années à courir en vain après de nombreuses infractions des GAFAM et des procédures judiciaires interminables, Bruxelles veut agir en amont et impose maintenant une vingtaine de règles à respecter. Le but est d'agir vite et efficacement avant que les comportements abusifs de ces géants du numérique ne détruisent la concurrence. Mais du coup, Louis, que va changer ce règlement ? Alors, premièrement, les grandes plateformes se verront interdire tout favoritisme envers leurs propres services dans les résultats des moteurs de recherche. Rappelons que Google avait été accusé de le faire avec son site de vente en ligne Google Shopping. Le géant a d'ailleurs été condamné à 2,42 milliards d'euros d'amende à ce sujet par la Commission européenne. Autre changement, les GAFAM ne pourront plus utiliser les données de leurs vendeurs tiers. Cela avait d'ailleurs été reproché à Amazon en 2020. Enfin, il empêchera d'imposer des logiciels préinstallés sur les ordinateurs ou les téléphones et facilitera le recours à des produits alternatifs. Des amendes pouvant atteindre jusqu'à 10% des ventes mondiales sont prévues en cas d'infraction, allant même jusqu'à 20% en cas de récidive. Plus on cherche les microplastiques, plus on les trouve. Ils polluent nos océans, nos rivières, l'air, et pour la première fois, des chercheurs en ont repéré dans le sang. C'est le résultat d'une étude de scientifiques d'Amsterdam aux Pays-Bas, publiée ce jeudi dans la revue Environnementale Internationale. Elle révèle que des microplastiques sont présents dans notre sang. Une découverte jugée particulièrement inquiétante. Si beaucoup de questions restent encore en suspens, sur les 22 personnes testées, 77% d'entre elles présentaient dans leur sang des traces de plastique. Et enfin, une information qui vient de chez nous. Après plusieurs jours de grève chez Airbus, certains employés ont obtenu gain de cause. Leurs salaires seront augmentés de 3,9% ces deux prochaines années. C'est la plus forte hausse depuis 20 ans selon la direction d'Airbus. Mais cet accord salarial est jugé indigne par plusieurs syndicats. Ce chiffre serait nettement en deçà de l'inflation. And the Oscar goes to... Ici Bob Sinclair, j'écoute. Quand on y va, on va agressif. La chatte qu'il a, la chatte. Le guide Michelin est sorti mercredi. Véritable référence dans le monde de la gastronomie, recevoir un macaron du célèbre bonhomme n'est pas rien pour les restaurateurs. Mais comment sont attribuées les étoiles, Margot ? Les macarons sont attribués par des inspecteurs. Ils ont pour mission de visiter et de noter le restaurant dans lequel ils viennent de manger de manière incognito. 5 critères entrent en compte dans la notation. Qualité des produits, maîtrise des cuissons, personnalité du chef en cuisine, régularité et rapport qualité-prix. Dans le guide Michelin, le décor et le service ne rentrent pas en compte. Lorsqu'un inspecteur pense que le restaurateur est étoilable, alors d'autres vont venir tester l'établissement. Puis c'est l'heure du bilan. Les inspecteurs se réunissent au sein des séances étoiles où ils débattent. Une récompense est attribuée si et seulement si tout le monde est d'accord. Si ce n'est pas le cas, alors le restaurant est à nouveau testé jusqu'à ce que l'établissement fasse l'unanimité. Et qui sont les heureux élus cette année ? La surprise de la cérémonie, c'est Arnaud Donquelet. Le chef a reçu 3 étoiles en une fois pour son restaurant parisien Cheval Blanc. Plénitude. L'établissement à peine ouvert reçoit la plus haute récompense du guide. Le dernier restaurateur à avoir réussi cet exploit est Yannick Aleno en 2015. Par rapport à l'année dernière, 3 fois plus de restaurants deviennent doublement étoilés. À la lecture des nouveaux récompensés, on peut quand même se demander où sont les femmes. Elles sont seulement 3 sur 49 à obtenir une récompense. À part Hélène Darroze et Anne-Sophie Pic, Alessandra Del Favero est la seule femme à décrocher sa première étoile cette année. Et c'est historique, la nouvelle présidente du Festival de Cannes est une femme. Eh bien, pour la première fois, le président du Festival de Cannes sera une présidente. Iris Knobloch est la première femme à occuper ce poste. C'est le 1er juillet que l'Allemande prendra la suite de Pierre Lescure en place depuis 2014. L'ex-dirigeante de Warner France a été élue par le conseil d'administration du festival. Soutenue par le ministère de la Culture, elle n'a quand même pas fait l'unanimité au niveau des votes. Son parcours très business a été pointé du doigt au moment de l'élection. Elle est candidate pour accueillir l'Euro en 2028 ou en 2032. La Russie veut organiser une des 2 éditions de la célèbre compétition de football, malgré la guerre en Ukraine. Effectivement, la Russie est en lice avec la Turquie, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Irlande pour l'organisation de l'Euro. L'intérêt du pays pour la préparation du tournoi était connu, mais le maintien de sa candidature est quand même une surprise vu le contexte actuel. Depuis le début de la guerre, beaucoup d'événements sportifs prévus à l'origine dans le pays sont délocalisés. 2 jours après le début de l'invasion de l'Ukraine, l'UEFA a annoncé le changement d'adresse de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. L'Euroleague de basket a, elle aussi, fait le choix de délocaliser les matchs prévus dans le pays. Côté Formule 1, la décision est plus radicale. Le Grand Prix de Russie, prévu en septembre, est annulé. Je te donne juste un petit conseil. Franchement, il faut que tu vois ça. Tu le connais, lui ? C'est vraiment pas mal, ce livre. Ça, c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro ? C'est un incontournable. Il faut que t'écoutes ça. J'adore le concept. C'est de la bombe. C'est où que ça twerk ? Mais elle est où, la moulaga ? Margot nous a emmenés au Festival de Cannes et Marie, tu y restes, puisque aujourd'hui, tu nous parles de Coquille Saint-Jacques et de Tapis Rouge sur les marches. Et oui, Thomas, nouvelle destination dans notre Tour de France des écoles de journalisme reconnues par la profession. Bienvenue à l'IUT de Lannion, dans les Côtes d'Armor, et à l'école de journalisme de Cannes, sur la Côte d'Azur. Si les futurs admis que vous êtes pourront entendre le chant des mouettes au niveau de ces deux écoles, ce sont deux villes assez différentes. 20 000 habitants pour l'un, 4 fois plus pour l'autre, un agneau pascal allongé sur le blason du premier et une palme de palmier argentée sur le blason du second. Retenez aussi le chiffre 22 pour le département des Côtes d'Armor en Bretagne et le 06 pour les Alpes-Maritimes en région PACA. Alors depuis 2014, Paul Le Bihan du Parti Socialiste est le maire de Lannionnais. Les Cannois ont aussi accordé un nouveau mandat en 2020 à David Lisnard des Républicains. Son nom vous dit peut-être quelque chose, il a été élu à la tête de l'Association des maires de France fin 2021. Rappelez-vous, sa victoire face à Philippe Laurent, maire de Sceaux et réputé pour être Macron compatible, avait été saluée par le groupe LR, ravi qu'Emmanuel Macron ne puisse pas placer l'un de ses soutiens à la tête de l'AMF. Loïc Chesnais-Girard est président du Conseil régional de Bretagne et son homologue provençal est Renaud Muselier. Côté géographie, Marie ? Côté géographie, Cannes s'est fait une place entre Fréjus et Nice. La célèbre promenade de la Croisette est tournée vers le golfe de la Napoule. Et au large, ce sont les îles de l'Airain qu'on aperçoit. Depuis Lannion, c'est Perros-Guirec qu'on voit une dizaine de kilomètres. Coincée entre la côte du Granit Rose et la côte des Bruyères, la capitale du Trégor se trouve dans la vallée du Léguet. Alors, vallée paisible, certes, mais dynamique. On y retrouve la technopole Anticipa Lannion-Guingamp. C'est un centre urbain disposant de structures de recherche et d'enseignement technique, ainsi que des industries de pointe spécialisées dans le numérique, la biotech, cosmétique ou encore l'alimentation et la nutrition. À quelques mètres, Orange Lab est implanté. Orange Lab, anciennement appelé le Centre National d'Études et Télécommunications. À Cannes, inutile de s'attarder sur le célèbre festival de films dont on vient juste de parler. Créé il y a 70 ans, c'est l'une des trois principales compétitions cinématographiques internationales, aux côtés de la Mostra de Venise et la Berlinale. Le salon nautique, le Cannes Yachting Festival, est aussi une vitrine pour la ville puisqu'il rassemble des acteurs du marché mondial de la plaisance. Et quand vous serez admis à l'IUT de Lannion ou à l'école de Cannes, vous pourrez lire respectivement Le Télégramme et Nice Matin. Merci Marie. C'est la fin de ce nouvel épisode d'ActuVu, on espère qu'il a pu vous être utile. On remercie Raphaël de Corvée de Technique et de Montage cette semaine, bon courage à toi. Et bon courage à vous dans la dernière ligne droite qui s'annonce, on croit en vous. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.